بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حياكم الله أيها الأحبة aujourd'hui le mercredi 25 ذو الحجة de l'année 1442 de l'Hégire correspondant au 4 août 2021. Nous nous retrouvons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ces rencontres de science que nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'elles nous soient profitables et bénéfiques à tous et qu'il nous accorde dans cela la bonne intention et la sincérité et de vouloir apprendre notre religion afin de nous en sortir de l'ignorance et d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec science et clairvoyance. Donc, toujours dans l'étude de Durus al-Muhimma du Cheikh l'Imam Abdelaziz bin Baz, qui est décédé en l'an 1420 de l'Hégire, on s'est rendu à la 17e leçon, l'avant-dernière de ce livre que l'imam rahimahullah a consacré à la mise en garde contre shirk et les différentes catégories de péchés. Et il a cité les grands péchés, rahimahullah. Donc il a cité les 7 grands péchés, comme c'est rapporté dans le hadith, les 7 grands péchés capitaux, et ensuite, il a cité d'autres grands péchés qui sont aussi très graves. Il a dit, rahimahullah, « الدرس السابع عشر التحذير من الشرك وأنواع المعاصي » La 17e leçon, la mise en garde contre l'associationnisme et les différentes catégories de péchés. Et il veut parler péchés ici, les grands péchés, car il a cité que des grands péchés. Comme vous savez, dans l'ordre de gravité, le péché le plus grave dans l'islam, c'est l'associationnisme, al-shirk, et la mécréance. Ces péchés qui font sortir de l'islam. Ensuite, l'associationnisme mineur, qui ne fait pas sortir de l'islam, mais qui est un péché dans lequel il y a une forme d'associationnisme, mais qui n'arrive pas à l'associationnisme majeur. Donc l'associationnisme mineur est plus grave que tous les grands péchés. Et le fait qu'il soit appelé mineur, c'est pas pour minimiser de sa gravité, mais juste pour le distinguer de l'associationnisme majeur qui est encore beaucoup plus grave. Et qu'Allah nous en préserve. Et qu'Allah prenne nos âmes dans son unicité et dans son obéissance. Ensuite, nous avons les innovations. Al-bida'a. Les innovations sont plus graves que les grands péchés. Car dans l'innovation qui est de faire une adoration non légiférée et qui n'a pas été enseignée par le prophète alayhi salatu wassalam, automatiquement qu'Allah n'aime pas, car les adorations qu'Allah aime, c'est ce qu'il a enseigné à son messager. Et si chacun pouvait inventer des adorations du moment qu'il a une bonne intention, à quoi sert donc l'envoi et la dépêche des prophètes et messagers? Allah aime qu'il soit adoré seul et aime qu'il soit adoré avec ce qu'il a légiféré. Donc dans notre religion, il n'y a pas de place pour les innovations. Toute innovation est rejetée. Toute innovation est caduque. Toute innovation est détestée par Allah subhanahu wa ta'ala.

لا تحقرن من الذنوب صغيرة فإن الجبال من الحصى. Donc, du moment que c'est Allah qui est désobéi, tu ne dois pas minimiser la gravité d'aucun péché. Et arme-toi avec taqwa, la piété et la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et taqwa, c'est de faire comme quelqu'un qui marche sur un terrain dans lequel il y a plusieurs épines éparpillées partout. Tu as vu comment il fait ? Il évite les épines afin de ne pas se faire mal. Fais ainsi avec les péchés. Écarte-toi, éloigne-toi, évite les péchés. Et si jamais tu faiblis et tu suis ta passion et t'obéis à Shaitan, repends-toi rapidement. Et les alliés d'Allah, ce n'est pas des hommes qui ne font pas de péché. Mais quand ils tombent dans un péché, ils reviennent rapidement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et les voilà meilleurs qu'avant le péché. Avec le repentir et le regret. Et si les hommes ne faisaient pas de péché, Allah aurait créé d'autres gens qui font des péchés et qui lui demandent le pardon. Et le péché, si les hommes ne faisaient pas de péché, beaucoup d'entre eux seraient touchés par Al-Ujb, par la mauvaise fierté, par l'orgueil. Fais les bonnes actions et oublie-les. Et si tu tombes dans un péché, ne l'oublie jamais. Car Allah, il ne l'oublie pas. Et il est inscrit dans ton livre. Et quand tu vas rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, tu le trouveras dedans. Et même si Allah il te le pardonne, comme a dit certains salafs, même si Allah te pardonne ce péché, quel mal qu'il te soit rappelé devant Allah que tu as fait telle chose et telle chose tel jour, il te sera rappelé. Et Allah te le pardonnera si tu as fait le repentir sincère. Mais rien que le fait que ce péché te soit cité devant Allah, c'est grave pour toi. Mais le serviteur qui se repent sincèrement à Allah, Allah, il le couvre dans l'akhira. Il ne permet à personne de savoir ses péchés. Mais Allah, il les sait. Il lui fait rappeler ses péchés. Wallah al-musta'an. Demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner et de nous accorder le repentir afin qu'on se repente et de nous permettre le repentir afin qu'on se repente de tous nos péchés. Donc le premier péché avec lequel il a commencé, rahimahullah, comme dans le hadith, c'est ash-shirku billah, l'associationnisme. Le plus grave de tous les péchés avec lequel Allah a été désobéi. Et le plus grand crime qui a été commis sur terre, l'associationnisme, qui est de vouer quelque chose qui est propre à Allah à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça englobe les trois catégories d'associationnisme. Car comme nous avons at-tawhid, l'unicité qui est d'adorer Allah seul, ou afwan, qui est dans son sens général, qui est de réserver à Allah exclusivement tout ce qui lui revient de droit. Et ça englobe les trois catégories de l'unicité d'Allah. L'unicité d'Allah dans la seigneurie, l'unifié dans tous ses actes. L'unicité de l'adoration, l'unifié avec tous nos actes d'adoration, c'est-à-dire lui vouer un culte exclusif et sincère, l'adorer seul aimer croire en tout ce qu'il y a à adorer en dehors de lui, et l'unicité dans les noms et les attributs. Attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala tout ce qu'il s'est attribué parmi les beaux noms et les attributs sublimes, et croire qu'ils sont réels, et comprendre de ses noms et de ses attributs ce que les Arabes comprennent, et croire que le sens de ses noms et de ses attributs est réel et voulu, et ne pas rentrer dans le comment. Car personne ne connaît le comment des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme on ne connaît pas le comment de son essence, comme on ne connaît pas le comment de son essence, subhanahu wa ta'ala. Mais quand on entend dans le livre d'Allah et dans la sunna du prophète alayhi sallam, que Allah subhanahu wa ta'ala est as-sami', celui qui entend tout, nous croyons qu'Allah entend tout, comme il nous l'a dit. Mais comment il entend tout ça, on ne rentre pas dedans, car on ne le connaît pas. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous l'a pas dit. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il ne connaît pas ça, le comment, car il nous a transmis tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a enseigné, lui a révélé. Donc je disais, comme il y a trois catégories d'unicité d'Allah, il y a trois catégories d'associationnisme et de polythéisme. L'associationnisme dans la seigneurie, comme certains soufis qui croient que certains de leurs chouyours peuvent créer comme Allah crée. Donc ça, c'est un associationnisme dans la seigneurie d'Allah, c'est-à-dire attribuer un acte qui est propre à Allah subhanahu wa ta'ala. Le seul créateur, c'est Allah. Donc si tu attribues un acte propre à Allah, comme la création, à autre qu'Allah, c'est un associationnisme dans la seigneurie. L'associationnisme dans les noms et les attributs. Attribuer les noms et les attributs d'Allah à autre qu'Allah, de la même manière qui convient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et croire que quelqu'un est semblable à Allah subhanahu wa ta'ala dans ses noms et ses attributs. Quelqu'un est égal à Allah subhanahu wa ta'ala dans ses noms et ses attributs. Et d'autres formes d'associationnisme dans cette catégorie, mais on se limite à des exemples. Ensuite, l'associationnisme dans la divinité, dans l'adoration. Vouer une adoration à autre qu'Allah, petite ou grande. Toutes les adorations, c'est le droit exclusif d'Allah. Et vouer la plus petite de tes adorations à autre qu'Allah, c'est de l'associationnisme majeur qui fait sortir de l'islam, wal'iyadu billah, qu'Allah nous en préserve. Et ça, comme j'ai dit, c'est le pire des péchés, le plus grave des péchés, le pire des crimes, et le plus grave des crimes qui a été commis sur terre. Ensuite, il a dit, was-sihr, la sorcellerie. La sorcellerie, en général, est accompagné de mécréance et d'associationnisme. Les savants dans la sorcellerie, ici, deux catégories, deux grandes catégories. Ça, c'est un cours qui se veut concis, dans lequel on ne rentre pas dans tous les détails, mais il y a des éléments que j'estime profitables et simples. J'essaie de les citer quand j'y pense. Donc, sihr, les savants disent qu'il y a deux catégories de sihr, qui s'appellent toutes les deux sihr, la sorcellerie. La première catégorie de la sorcellerie, qui est une mécréance, une grande mécréance qui fait sortir de l'islam. Et cette catégorie, c'est, on a recours à des shayatines. Sahir, il collabore avec shayatines. Et ça, c'est de la grande sorcellerie. Car Shayatin ne collabore avec l'homme que quand il mécroit en Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah nous le dit dans Surat al-Baqarah. وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ. Ils n'apprennent de la sorcellerie qu'après leur mécréance. Ils ne leur enseignent la sorcellerie qu'après leur mécréance. Comme ça a été rapporté dans l'histoire de Aïcha radiallahu anha, de cette femme qui a appris la sorcellerie. Il y a une deuxième catégorie qui n'est pas une grande mécréance. Mais c'est un grand péché haram, qui s'appelle aussi sorcellerie, mais dans laquelle il ne collabore pas avec Shayatin. Ou bien il va mentir, la femme elle vient, il lui dit, tu cherches à te marier, il commence à l'informer de certaines choses, oui, une telle t'a fait ça, mais c'est un menteur. Il ne lui parle pas de l'invisible, de l'avenir, juste du passé. Ou, yani ceux qui font des jeux basés sur la rapidité. Il rentre un pigeon dans un côté de sa veste, il le sort de l'autre côté, il fait croire aux gens, yani qu'il fait des choses, yani de la sorcellerie. Alors que ce n'est pas le cas, c'est basé uniquement sur la rapidité. Ça, ce n'est pas une mécréance qui fait sortir de l'islam, mais c'est un grave péché. Car il peut faire tomber les gens dans des mauvaises croyances. Ils peuvent penser que cet homme a des pouvoirs surnaturels ou des choses comme ça. Et ça, c'est haram aussi. Mais ce n'est pas comme la première catégorie qui est une mécréance. Ils écrivent des choses, ils demandent aux gens de les attacher sur leur corps, ce qu'ils appellent hijab, ou le hurouz, et ainsi de suite. Dans chaque pays, ces choses-là ont des noms. Donc la sorcellerie est haram d'une manière absolue. Et le plus souvent, la sorcellerie est accompagnée de mécréances. Quand la personne va voir le sorcier, en général, il lui demande, car Shaitan, c'est ce qu'il veut. Shaitan, il collabore avec lui afin de faire tomber les gens dans la mécréance, la grande mécréance. C'est l'objectif de Shaitan. Donc il va lui dire, on va t'aider, mais quand il vient, tu lui dis de sacrifier un coq de telle couleur, et au moment de le sacrifier, tu prononces le nom d'un de leurs rois de Shayatin. Ou des choses comme ça. Ou il lui écrit des choses avec le Coran, dans lesquels il écrit le Coran, mais il l'écrit avec une impureté. Ils utilisent le plus souvent, quand c'est une couleur foncée, ils utilisent le sang des menstrues, des femmes. Et quand c'est une couleur jaune, claire, ils utilisent l'urine. En tout cas, il faut qu'il écrive le Coran avec une impureté, et ça c'est un acte de mécréance, pour plaire aux shayatin. Donc ça, c'est quelque chose de très grave. Le Nabi alayhi salam a cité la sorcellerie après l'associationnisme, malgré que dans la sorcellerie, le plus souvent, il y a de l'associationnisme, pour montrer son danger et sa gravité. Et car il y a beaucoup de gens, surtout dans les sociétés de l'islam, dans les pays de l'islam, beaucoup de gens croient qu'il n'y a pas de mal en cela. Ils se rendent chez le sorcier comme ils se rendent chez le médecin. En Afrique, dans le Maghreb, au point où tu, dans un quartier, on te dit, voilà, il y a tel homme, il a des dents. Il a des dents de shayatin. C'est pour ça, le Nabi al-Sallam a cité ce péché à part pour montrer son danger et sa gravité. Et il y a une question très importante, on va l'aborder rapidement. Des gens qui sont éprouvés par la sorcellerie. Je demande à Allah de guérir tout malade parmi les croyants et de guérir tout particulièrement toute personne touchée par sihr. Mais il y a certains de nos frères et sœurs, quand ils sont éprouvés par une sorcellerie, il y en a qui peuvent avoir recours à un sorcier, pas pour lui faire un sihr, mais pour défaire le sihr qu'il a. Bien évidemment, celui qui défait un sihr, c'est un sahir. La yahullu sihra illa sahir. Il n'arrive à défaire un sihr qu'un sahir. Car sihr, c'est fait avec des shayatin. Et pour le défaire, il faut que cet homme demande à ses shayatin, s'ils sont plus forts que shayatin de l'autre, d'annuler le sihr. Et s'ils ne sont pas plus forts, il doit présenter des offrandes au shayatin de celui qui l'a fait pour défaire ce sihr et pour arrêter son effet. Donc, il est interdit d'une manière formelle et absolue d'avoir recours à un sihr pour défaire un sihr. Et ça, c'est le fatwa de tous les grands savants. Cheikh Ibn Baz, Cheikh Al-Uthaymin, Cheikh Al-Albani, rahimahumullah. Cheikh Al-Muhsin Al-Abbad, Cheikh Al-Fawzan, Cheikh Al-Haydan, tous nos grands savants, sans exception, à ma connaissance, ils interdisent cela, et ça c'est un acte de mécréance. C'est un acte de mécréance. L'acte de mécréance, c'est pas de se rendre chez Sahir. Mais, si jamais il lui demande de faire une chose dans laquelle il y a du shirk, mais l'acte de se rendre chez lui, c'est haram. Car Sahir, il ne peut défaire Sahir qu'avec une mécréance. Mais par contre, ce qui est légiféré pour celui qui est éprouvé par cela, c'est de se soigner avec les méthodes légiférées. Al-Ruqya al-Shar'iyya, Al-Qur'an, Al-Adhkar, ce qui est rapporté dans Sunna, et ainsi de suite. Il se guérit, il se soigne avec ce qui est légiféré. Et sihr, pour ceux qui sont éprouvés, ça demande de la patience. Ça, c'est... C'est le mot le plus important pour celui qui est éprouvé par ce sihr. C'est as-sabr. As-sabr, as-sabr. Car la personne, quand elle est éprouvée, fatiguée, elle commence à perdre patience et à penser quand est-ce qu'elle sera guérie et débarrassée de tout ce mal. Il faut savoir que tout ce que Allah prédestine pour le croyant, c'est pour son bien. Et combien de personnes m'ont avoué que, à cause de ce mal de sihr ou de shaitan, pour celui qui est touché par shaitan, et on ne dit pas possédé, c'est à cause de ce mal qui s'est rapproché d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui s'est attaché à sa religion et qu'il a commencé à lire le Coran quotidiennement, alors qu'avant peut-être il n'ouvrait pas le mushaf, même pas une fois dans l'année. Il était dans le délaissement de salat, et combien de nos sœurs, elles portaient pas le hijab, jusqu'à être éprouvées par ce mal. La personne, quand elle rentre dans ce domaine, elle sait pertinemment que le seul moyen de s'en sortir, c'est de s'attacher à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça devient un grand bien pour elle. وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق. Tuer l'âme qu'Allah a rendue sacrée, sauf de son droit. Donc en islam, le meurtre est parmi les plus graves des péchés. C'est même le premier péché sur lequel les gens seront jugés le jour du jugement dernier. C'est le premier péché sur lequel Allah jugera les gens. Et le croyant, il ne cesse d'être dans une largesse. Il est proche de la miséricorde d'Allah. Tant qu'il n'a pas coulé un sang sacré, sans son droit. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à cela. De participer dans un meurtre, ne serait-ce qu'avec une lettre, qu'avec un mot, qu'avec une phrase. Attention, tu peux participer avec un mot. Au point où ça a été rapporté de certains salafs, que le meurtrier, celui qui tue délibérément, volontairement, il n'a pas de repentir. Mais ce qui est juste, ça je le cite, pour que vous réalisiez la gravité de la chose. Et ce qui a été rapporté authentiquement ne suffit. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « وَمَنْ يَقْتُ الْمُؤْمِنًا » أو عفوا مؤمنًا يعني pour rester dans la lecture de Hafs وَمَنْ يَقْتُ الْمُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا. Celui qui tue un croyant délibérément, alors il aura pour punition le châtiment de la gêne. Wallah al-musta'an. Wa man yaqtul mu'minan aw mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha. Sa punition sera la gêne où il séjournera pour l'éternité. Wa ghadiba Allahu 'alayhi ولعنه وأعد له عذابا عظيما. Allah le frappera de sa colère, le maudira et lui préparera un terrible supplice. نسأل الله السلامة والعافية. Wallahi, quand vous lisez ce verset, ça fait énormément peur. Il n'y a pas beaucoup de péchés dans le Coran qui sont dont le châtiment est décrit de cette manière. Il séjournera pour l'éternité. Allah le frappera de sa colère, le maudira et lui préparera un terrible châtiment. Ça, c'est pour celui qui tue délibérément un croyant. نسأل الله السلامة والعافية. Donc, ça, c'est parmi les plus graves péchés dans l'islam, le meurtre. Et il n'est pas autorisé de tuer le musulman, bien évidemment, mais également le mécréant qu'on appelle Al-Dhimmi. Al-Dhimmi aujourd'hui, c'est comme celui qui a la nationalité du pays de l'islam. Par exemple, au Maroc, un Marocain juif, un Marocain chrétien, un Marocain mécréant, yani athée. Ça, c'est ce qu'on appelle dhimmi. À notre époque, c'est celui qui a la nationalité du pays de l'islam. Il est interdit de le tuer également. Haram. Et aussi celui qui a un pacte avec le pays de l'islam. Le mécréant, avec toutes ces catégories, qui a un pacte avec le pays de l'islam. Par exemple, celui qui vient... Ben, si on parle du Maroc, celui qui vient au Maroc et qui obtient un visa ou yani, le droit d'aller sur le territoire marocain. Ça, c'est ce qu'on appelle le mu'ahad. Al-musta'man. Car les autorités lui ont donné le droit d'aller sur le territoire. Et le dernier, c'est le mu'ahad. Le mu'ahad, c'est celui qui a un pacte avec le pays de l'islam. Donc, un pays et un accord avec le Maroc. Il n'est pas autorisé de tuer les mécréants de ce pays-là. Et ainsi de suite. Tout ça, ce sont des sens sacrés. Il ne faut pas croire que le seul sens sacré, c'est le sens du croyant. Également, ces catégories-là, al-musta'man, wal-mu'ahad, wal-dhimmi, tous leur sang est sacré. Ensuite, Cheikh Rahimallah a cité Aklur Riba. Yani, je disais que certains salafs ont dit que celui qui tue délibérément un croyant n'a pas de repentir. Mais ce qui est juste, c'est que celui qui tue un croyant délibérément, il a un repentir s'il se repent à Allah. et s'il réunit les conditions du repentir sincère et le sens du verset وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا يعني où il séjournera pour l'éternité aura pour punition la gêne où il séjournera pour l'éternité. Ça c'est pour celui qui croit licite de tuer le croyant. C'est ce qu'on appelle istihlal. Qui croit licite de tuer al-muslim. Donc il tue un croyant délibérément parce que pour lui c'est autorisé. Alors que dans la religion c'est haram. Ça c'est un acte de mécréance qui fait sortir de l'islam. Comme bien même il ne le tue pas. Juste il croit en cela, il est sorti de l'islam. Ou l'autre signification qui a été donnée par les savants de ce verset, pour expliquer le terme éternité, ils ont dit éternité ici, dans la langue arabe, en français on traduit par éternité, mais en arabe, ça peut vouloir dire de rester très très longtemps dans le feu de l'enfer. De rester très très longtemps dans le feu de l'enfer. Et ça c'est parmi les sens de l'khouloud en arabe. Et non pas à jamais, parmi les sens. Donc les deux explications. Ou bien on dit qu'il a fait l'istihlal, donc là, il n'y a pas de souci, c'est l'éternité en enfer, car c'est un mécréant. Ou il n'a pas fait l'istihlal, il a tué le croyant par passion, par attachement au pouvoir, par attachement à l'argent, ou là, quelque chose comme ça, tout en croyant que c'est haram, celui-là, l'éternité, voudra dire qu'il restera très très longtemps dans le feu de l'enfer, wal'iyadu billah. Ensuite, Cheikh Rahimullah a cité Aklur Riba. Aklur Riba. Ou Aklur Riba, yani ceux qui consomment l'usure, Riba. Ceux qui consomment l'usure, yani Riba. Ce qu'ils appellent aujourd'hui les intérêts bancaires. Et ça, ça fait partie d'appeler les choses par autre que leur nom. Appeler riba intérêt, ça c'est parmi les techniques de Iblis et de ses soldats. Afin que le croyant puisse tomber dans le péché plus facilement. Là, quand t'entends le mot riba, ça te repousse. Rien que le nom de la chose te repousse. Al-riba, al-zina, c'est repoussant. Et Shaitan, parmi ses techniques, il change les noms des choses en leur donnant des noms qui sont plus attirants et plus attrayants. Comme il a fait avec notre père Adam, alayhi salam. L'arbre interdit, qu'est-ce qu'il lui a appelé cet arbre? Comment il l'a appelé? Shajarat al-khuldi, l'arbre de l'éternité. L'arbre de l'éternité, alors que c'est l'arbre interdit. Donc le riba, c'est haram dans le Coran, dans le sunna, consensus des savants. Et riba, c'était mal vu même avant l'islam. Chez les kuffars de Quraysh, ils voyaient mal, et le riba était mal vu, malgré qu'ils le pratiquaient. Mais par contre, quand ils ont voulu reconstruire le Kaaba, ils ont exigé de ne pas ramener un seul centime de riba. Ni de zina. Ils ont exigé que de l'argent halal. Ça, c'est avant l'islam. Et aujourd'hui, tu peux trouver certains égarés qui disent que le croyant, il peut faire riba pour acheter une maison. Car c'est une nécessité. L'achat d'une maison est une nécessité. Plus des trois quarts des habitants de la terre sont dans une nécessité alors, car tous ils sont locataires, ils ne sont pas propriétaires de leur logement. Posséder une maison, c'est une facilité dans cette dunya, et c'est une ni'ma, mais ce n'est pas une nécessité, tu peux très bien louer. Après ils disent, non il ne peut pas louer, mais il peut faire riba. Wallahi, il faut chercher à comprendre comment quelqu'un ne peut pas louer, n'a pas les moyens de louer, mais il a les moyens pour contracter un crédit de 50 000 euros, 100 000 euros. Quelle banque va donner à quelqu'un qui n'a pas de quoi payer un loyer? Quelle garantie va leur donner? Wallah al-musta'an. Riba, c'est haram. C'est haram. Et ce n'est pas autorisé de contracter des crédits pour acheter une maison. Si tu peux acheter une maison, c'est une ni'ma, mais pas d'une manière haram. Et ceux qui sont dans une ignorance et qui disent « c'est pour assurer l'avenir de mes enfants », Wallahi, t'as gâché l'avenir de tes enfants. T'as gâché l'avenir et t'as participé dans le gâchis de l'avenir de tes enfants. C'est comme ça qu'on assure l'avenir de nos enfants avec le haram. Lis dans Sourate Al-Kahf comment l'homme vertueux a assuré l'avenir de ses enfants au point où Allah subhanahu wa ta'ala a chargé un des 5 meilleurs prophètes qui ont été envoyés à l'humanité, qui est Moussa alayhi salam, avec le Khadr. Il a chargé, qui est un homme pieux, il les a chargés tous les deux, un homme pieux ou un prophète. Une divergence sur ce point. En tout cas, il a chargé ces deux hommes, qui ont un statut extrêmement élevé auprès d'Allah, il les a chargés d'assurer l'avenir de ses enfants. Pourquoi? Parce que leur père était un homme pieux, vertueux. C'est comme ça qu'on assure l'avenir de nos enfants, en leur enseignant la religion et le bon comportement. Et si tu peux leur laisser des biens et les laisser riches après toi, de l'halal, c'est encore mieux. Mais si tu leur donnes l'essentiel et le plus important, la religion et le bon comportement, ne t'inquiète pas, même si tu les laisses les plus pauvres de la planète. Wallahi, ils ne seront pas perdus. Et c'est Allah qui s'occupera d'eux après toi et qui leur facilitera les causes. Contrairement à si tu les laisses dans le haram, tu ne les as pas aidés de cette manière. Et tu peux même être la cause de leur gâchis, de leur égarement. Car tout corps qui est nourri en haram mérite le feu de l'enfer. أكل الربا. الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. Ceux qui tirent profit de l'usure الربا ne seront rendus à la vie le jour de la résurrection que comme celui qui convulse l'emprise de Shaytan. Ils seront ressuscités, comme on dit beaucoup de mufassirin, ils se sont ressuscités ceux qui mangeaient riba et qui tiraient profit de riba dans cette dunya. Le jour de la résurrection, ils seront ressuscités fous, comme ceux qui sont touchés par Shayatin. Et celui qui mange riba, الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا يعني أو فإن لم تفعلوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Ceux qui consomment et qui tirent profit de riba, qu'ils s'attendent à une guerre de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager. Et qui peut combattre Allah subhanahu wa ta'ala? Personne. Mais le serviteur faible et qui ne regarde pas les conséquences de ses actes, il peut, par avidité, par attachement au bien de ce bas monde, il peut tomber dans le riba sans prendre conscience de ce qu'il attend. Combattre Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, Cheikh Rahimallah a cité « Aklu mal il yatim ». Aklu mal il yatim. يعني la consommation des biens de l'orphelin. Comme vous savez, prendre les, gens, la, les biens des gens d'une manière générale, mécréant aux musulmans, sans raison valable, tout ça c'est haram. Prendre l'argent des gens, qu'ils soient musulmans ou kuffars, c'est haram d'une manière absolue. Sauf si c'est en droit. Mais prendre l'argent de l'orphelin, c'est encore beaucoup plus grave, car l'orphelin n'a personne pour le défendre. Il n'a pas son père pour le défendre. Et comme vous savez, l'orphelin, c'est pas celui qui perd sa mère. L'orphelin, c'est celui qui perd son père avant d'atteindre l'âge de la puberté. S'il perd son père après la puberté, religieusement, on l'appelle pas orphelin. L'orphelin, c'est celui qui a perdu son père avant l'âge de la puberté. Il reste orphelin jusqu'à la puberté. Dès qu'il atteint la puberté, on l'appelle plus orphelin. C'est plus un orphelin religieusement. Donc, c'est pour ça que beaucoup de textes ont été rapportés par rapport à la gravité de toucher au bien de l'orphelin sans raison valable. Ça, c'est le combienième péché. C'est, on a vu, shirk, sehr, qatl, cinquième. C'est le cinquième. Donc, le sixième. At-tawalli yawm az-zahf. At-tawalli yawm az-zahf. Fuir l'ennemi sur le champ de bataille. Fuir l'ennemi sur le champ de bataille. Quand les deux armées, l'armée des croyants et l'armée de leurs ennemis, quand elles sont face à face, l'une face à l'autre, celui qui tourne le dos et qui prend la fuite à ce moment-là, il est tombé dans un des plus graves péchés dans l'islam. C'est parmi les grands péchés. Quand il fuit, il tourne le dos, il n'affronte pas l'ennemi au moment où les rangs ont été placés et on attend le début du combat. Pourquoi ceci a été considéré de cette gravité? Car, yani, ces conséquences peuvent être graves pour toute l'armée. Il peut affaiblir moralement toute l'armée quand il prend fuite à ce moment-là. Et vous savez qu'avant le début des combats, ils faisaient sortir, yani, de chaque armée, on sortait un ou deux ou trois hommes, quelque chose comme ça, pour s'affronter. Et ceux qui emportent ces duels-là, en général, yani, ça donne un grand coup de pouce moral pour leurs armées, pour leur armée. Comme ça, c'était un point très positif. Également l'inverse, quelqu'un qui fuit à ce moment-là, c'est, yani, ça peut affaiblir moralement l'armée. C'est pour ça, il n'est pas permis. S'il ne sort pas avant, ou il se retire avant, ça, yani, c'est moins grave que de fuir au moment où les deux armées sont l'une en face de l'autre. Le septième, qui est le Cheikh Rahman l'a cité, le septième dans le hadith, parmi les sept grands péchés capitaux, قَدْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ. C'est de diffamer et d'accuser les femmes croyantes, les femmes chastes, vertueuses et innocentes et croyantes. Les accuser de fornication. Yani, dans le hadith, sans citer les femmes, mais c'est valable pour les femmes comme pour les hommes. Le qadf, c'est le qadf de l'homme comme le qadf de la femme. Et, yani, cette accusation, est parmi les choses les plus graves dans l'islam. Parmi les choses les plus graves dans l'islam. C'est pour ça que beaucoup de textes ont été rapportés par rapport à la gravité de cet acte. Allah Azza wa Jalla dit والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. Ceux qui portent des accusations contre des femmes chastes, innocentes de toute liaison illicite, haram, les femmes chastes, les femmes croyantes, et qui ne produisent pas par la suite quatre témoins pour prouver leur accusation. Quatre témoins, comme vous savez, des témoins, il est demandé des témoins oculaires qui ont vu l'acte avec leurs propres yeux, qui ont vu l'acte dans les détails les plus minutieux. Comme j'ai déjà détaillé à plusieurs reprises, ils ont vu l'acte avec les détails les plus précis. L'homme en la femme. Et pour vous dire, ça ne suffit pas de voir l'homme au-dessus de la femme totalement nu. Faut qu'ils aient vu la pénétration. Et vous vous dites, c'est quelque chose de très difficile, quasiment impossible. Si c'était une seule personne exigée, ça serait une chose quasiment impossible. Que dire qu'il est exigé quatre témoins qui ont vu la même chose et chacun devrait présenter son témoignage d'une manière séparée et on va comparer les témoignages. Et si jamais on constate une lacune, alors ils seront tous fouettés, 80 coups de fouet. Et comme Allah nous dit dans le verset, s'ils ne ramènent pas les quatre témoins pour prouver leur accusation, infligez-leur 80 coups de fouet et ne vous fiez plus jamais à leur témoignage, c'est-à-dire leur témoignage est rejeté à vie, car ceux-là sont les pervers. Excepté ceux qui se repentent parmi eux. Et comment un accusateur de fornication puisse se repentir? Il doit venir et dire « j'ai menti ». Là, on accepte de lui. C'est pas il dit « j'ai regretté ce que j'ai dit ». Non, il doit venir et dire « j'ai menti ». C'est ça le repentir de l'accusateur et du diffamateur et de l'qavif. Wallah al-sa'an. Donc je disais, c'est très difficile de prouver cela. Et je vous rassure que ça n'a jamais été prouvé dans l'islam. Ça n'a jamais été prouvé dans l'islam jusqu'à l'apparition de cette ignorance au 21e siècle, aux certains ignorants qui n'ont jamais appris peut-être un seul livre en entier de le fiqh, ils ont cru que ça allait être vérifié. Ça n'a jamais été prouvé dans toute l'histoire de l'islam avec quatre témoins oculaires. Ça peut être prouvé avec les aveux. Et les aveux, c'est de celui qui est tombé dans le mal, il avoue devant le juge. Il avoue devant le juge. Et il ne revient pas sur ses aveux, car il a le droit de revenir sur ses aveux. Imaginons quelqu'un, il vient, il avoue devant le juge. Et un homme, il se présente, il dit oui, comme il a avoué, voilà, moi je sais, je l'ai vu. Il a fait. Imaginons l'autre, il revient sur ses aveux. Il dit non, je reviens sur mes aveux. Après, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre celui qui est venu témoigner et on va le fouetter 80 coups de fouet et on n'acceptera plus jamais son témoignage et on attestera que c'est un pervers, c'est un fasiq, jusqu'à ce qu'il se repente. Et comment il va se repentir? Il va venir il va dire « j'ai menti », quand bien même il a vu avec ses propres yeux. Tout ça pourquoi, ya ikhwa? Pour comprendre une sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers sa législation. C'est que Allah subhanahu wa ta'ala a cherché, et il nous a enseigné à travers cette législation et toutes ces règles liées au qadf, que la législation de l'islam cherche à préserver l'honneur du croyant, et non pas le dévoiler. Quand Omar radiallahu anhu lui ont dit qu'un homme est tombé dans zina et qu'il y a des témoins, quand ça n'a pas été prouvé, il a dit Allahu Akbar, de joie que le péché n'a pas été prouvé contre un croyant. Que dire de ces gens-là qui se réjouissent que le péché soit prouvé contre un croyant et qui pensent qu'il est prouvé alors qu'il n'est même pas prouvé de cette manière que je viens de décrire. Wallah al-musta'an. En tout cas, quand le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que beaucoup d'entre nous ont grandi dans des sociétés où on ne juge pas avec la loi d'Allah. C'est pour ça ces sujets-là, on les a pris à la légère. Et tu peux entendre un homme qui accuse une femme ou qui accuse un homme de zina, de fornication, sans avoir de preuves. Comme ça. Parce qu'il n'a pas grandi, il n'a pas été élevé dans une société où on juge avec la loi d'Allah. Il ne connaît pas la gravité de son acte, et de sa parole, et de son accusation. Et il sait qu'il craint rien, comme ont dit certains ignorants. Quand on leur a dit, c'est très grave ce que tu fais, tu serais dans un pays où on juge avec la loi d'Allah, tu seras fouetté. Il a dit, Alhamdulillah, je suis dans un pays où on n'applique pas sharia. La ilaha illallah. Quelle ignorance est plus grave que celle-là? Et si tu es dans un pays où on n'applique pas sharia, qu'est-ce que tu vas dire le jour où tu vas rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala? Wallahi, si t'échappes au had dans cette dunya, ça ne voudrait pas dire que tu seras épargné dans l'akhira. En tout cas, l'honneur du croyant est quelque chose de sacré dans l'islam. Et dans laquelle on ne parle pas avec des handis ou des choses comme ça. Et ne crois pas parce qu'un homme de science a parlé, tu peux le suivre. Wallah, il ne te sauvera pas, Allah subhanahu wa ta'ala. Alors crains Allah subhanahu wa ta'ala et ne parle qu'avec science. Et sache que l'honneur des croyants est quelque chose de très sacré dans l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Inna alladhina yarmuna al-muhsanat al-ghafilat al-mu'minat » لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Ceux qui accusent les chastes, les croyantes chastes, les vertueuses et innocentes, seront maudits dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et ils auront un supplice terrible. C'est pour ça, si t'as pas de science, ne parle pas. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khayran aw liyasmut. Que celui qui croit en Allah le jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Tais-toi, c'est mieux pour toi. Dans le hadith Uqba ibn Amir radiyallahu anhu, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment être sauvé au messager d'Allah? Il a dit amsik 'alayka lisanak, retiens ta langue, garde-la enfermée dans ta bouche entre tes dents et tes mâchoires. Retiens ta langue et tiens-toi à ta maison et pleure tes péchés, authentifié par Cheikh Al-Albani. Ensuite, Cheikh Rahimallah a cité une dizaine de grands péchés. On va les passer rapidement, Inch'Allah, car certains, on les a déjà abordés. Le premier, c'est « عقوق الوالدين وقطيعة الرحم ». La désobéissance aux parents et le fait de rompre les liens de parenté. Et ça, on en a parlé. Le droit des parents, c'est le droit le plus important de l'islam après le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Jusqu'à ce que la femme se marie et le droit le plus important pour elle devient le droit de son mari, plus que le droit de son père et de sa mère. Mais sinon, d'une manière générale, le droit le plus important, après le droit d'Allah, c'est le droit des parents. C'est pour ça qu'Allah Azzawajal, dans le Coran, souvent, après Tawhid, il cite la bonté envers les pères et mères, et de rompre les liens de parenté d'une manière générale. Le croyant est loyal et fidèle avec tout le monde. Que dire des gens qui ont le plus de droits sur lui, ses parents? Et dans les textes, beaucoup de hadiths dans lesquels il y a des menaces pour celui qui désobéit à ses parents ou qui rompt ses liens de parenté. Dans l'authentique de l'imam muslim, « La yadkhulul jannata qati'. » Dans d'autres riwayats, « La yadkhulul jannata qati'u rahim. » N'entrera pas au paradis celui qui rompt ses liens de parenté. Et dans un hadith qui a été jugé hasan par al-Hafidh ibn Hajar, Nabi sallam dit la tanzilu ar-rahmatu ala qawmin fihim qati'u rahim. Allahu akbar. La miséricorde ne descend pas sur des gens parmi lesquels il y a un qui rompt ses liens de parenté. Tous y sont punis à cause de lui. Un seul homme parmi 100 qui rompt ses liens de parenté, Allah il ne fait pas descendre la miséricorde rahma sur la totalité. Également parmi les graves péchés, le faux témoignage est haram dans l'islam d'une manière générale, de témoigner d'une chose tout en sachant que c'est pas la vérité. Ça c'est grave dans l'islam. Nabi alayhi salam dans le hadith il a dit Ala unabbi'ukum bi akbar al-kaba'ir, les plus grands des péchés. Il a dit al-ishrak billah, l'associationnisme. Ensuite la désobéissance aux parents et ensuite il était assis le prophète et il était allongé alayhi salatu wassalam. Kana muttaki'an, il était allongé, il s'est assis, il a dit ala wa qawlu az-zur wa shahadatu az-zur, ala wa qawlu az-zur wa shahadatu az-zur. فَمَا زَالَ يَقُولُهَا حَتَّى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتْ. Il n'a cessé de le répéter jusqu'à ce que les compagnons ont dit si seulement ils ont eu de la peine pour le prophète عليه الصلاة والسلام et pitié pour lui tellement il l'a répété. Il était allongé quand il voulait citer le troisième et s'est assis. Il a dit les paroles mensongères et le faux témoignage. Les paroles mensongères et le faux témoignage. Il n'a cessé de répéter ça. Alayhi salatu wassalam. C'est pour ça, yani le faux témoignage, c'est quelque chose de grave. Témoigne avec ce que tu sais, avec science et vérité et certitude. Et si tu ne sais pas, ne parle pas et ne témoigne pas. As-salamatu la ya'dilu hashay. Également, al-ayman al-kadhiba, jurer mensongèrement. Jurer mensongèrement. De jurer sur une chose tout en sachant que ce n'est pas ça, la vérité. Et de toute manière, Allah subhanahu wa ta'ala a blâmé ceux qui jurent beaucoup. وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ. Ceux qui jurent beaucoup, ça c'est blâmé. Il est demandé aux croyants qui vénèrent Allah subhanahu wa ta'ala de ne jurer que par Allah et de jurer par le plus grand et par le plus immense qui est Allah subhanahu wa ta'ala sur les choses importantes quand il est indispensable de jurer. Mais de prendre la chose à la légère et de jurer pour un oui, pour un non, pour ça, pour... Non, ça c'est pas l'affaire du croyant qui vénère Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que dire de celui qui jure sur des mensonges? Et pire encore, quand il jure sur un mensonge avec lequel il prend le droit de son frère. C'est ce qu'on appelle el-yamin el-ramous. Car elle fait plonger celui qui jure comme ça dans le feu de l'enfer, wal-iyadu billah. Également faire du mal à ses voisins, et ça on en a parlé, de l'importance des droits des voisins dans l'islam, quelle que soit leur religion. Et l'injustice, d'une manière générale, Allah s'est interdit l'injustice à lui-même. Il l'a rendue interdite entre ses serviteurs. L'injustice par rapport au sang des gens, par rapport à leur bien, par rapport à leur honneur. Toute injustice est interdite en islam. Également de boire les produits enivrants. Shorbul muskirat. Shorbul muskirat. La consommation des produits enivrants, tels que l'alcool, la drogue et ainsi de suite. Tout ça, c'est haram. Comme bien même les gens, ils appellent ces produits-là par autre que leur nom. Ils disent l'eau de vie. Ça, c'est de l'alcool. Et ça, c'est parmi les ruses de Shaitan. Il a été rapporté par rapport à celui qui boit l'alcool dans Dunya, qui ne boira pas al-khamr de l'akhira. Et tout ce qui est dans l'akhira, il n'a avec ce qu'il y a dans Dunya en commun que le nom. Donc il ne faut pas s'imaginer que l'al-khamr de l'akhira, c'est un produit enivrant qui fait mal à la tête, qui fait perdre la raison, ou des choses comme ça. Et le Nabi a dit que tout produit enivrant est haram, quel que soit son nom. Une plante, une herbe, une boisson, un truc qu'on sniffe, quelle que soit sa nature, c'est haram. Et il a dit que celui qui boit les produits enivrants dans cette dunya, Allah lui donnera à boire de tinat al-khabal. Ils lui ont dit, c'est quoi tinat al-khabal au messager d'Allah? Il a dit, la sueur des gens de l'enfer, wal-iyadu billah. Leur sueur. Également sont interdits les jeux du hasard. Les jeux du hasard, qu'on appelle al-qimar, al-maysir. Yani, comme le cas de deux personnes qui font une compétition, il y a une course entre eux, et ils disent, si tu gagnes, je te donne 10 euros, et si toi tu gagnes, tu me donnes 10 euros. Donc du moment qu'il y a un qui est perdant et l'autre qui est gagnant, c'est haram. Par contre, s'ils font une compétition, et c'est une personne qui ne participe pas dans la course et dans la compétition, qui met al-ja'iza, qui met une récompense pour le gagnant. Il n'y a pas de mal en cela. Quelqu'un, il organise une course, il dit, le gagnant, je lui donne 100 euros. Il n'y a pas de mal. Ou un des deux des participants, un seul, pas tous. S'ils sont deux, un des deux met le cadeau. Il dit, celui qui gagne aura 100 euros. Et pas les deux, il y a un perdant, un gagnant. Quand il y a un perdant, un gagnant, c'est haram. Mais dans ce deuxième cas que je viens de citer, un seul met un prix. 100 euros, il lui dit, celui qui gagne, yani, si tu gagnes, je te donne 100 euros. Ça, c'est halal aussi. C'est halal aussi du moment que yani, celui qui met le prix, c'est une partie des participants et non pas la totalité des participants. Maintenant, est-ce que les compétitions sont légiférées dans tout domaine ou uniquement comme ça a été rapporté dans le hadith, dans ce qui aide dans le combat, dans le sentier d'Allah? Il y a des savants qui disent, c'est autorisé parmi les compétitions, juste les compétitions qui aident dans le combat, dans le sentier d'Allah. La course aux chevaux, aux chameaux, et ainsi de suite. D'autres savants, comme Cheikh Islam Taymiyyah, il dit, c'est autorisé aussi les compétitions dans les questions de science. Parce que la science, c'est une forme d'effort dans le sentier d'Allah. C'est une forme de jihad dans le sentier d'Allah. Donc, c'est ça, c'est les seules exceptions. C'est les seules exceptions. Les compétitions scientifiques, selon Cheikh Islam Taymiyyah, selon d'autres savants, il n'est autorisé que ce qui est rapporté dans le hadith. les compétitions dans ce qui est dans le combat, dans le sentier d'Allah. Une compétition pour apprendre à tirer à, tirer à l'arc, ou là, les fusils, ou là, les choses comme ça. Et les deux derniers péchés qu'il a cités, rahimallah, al-ghiba wa al-namima. Al-ghiba, la médisance. La médisance, c'est de dire de ton frère, en son absence, ce qu'il déteste que tu dises de lui. Comme bien même, c'est vrai. Par exemple, quelqu'un qui fume la cigarette et qui se cache en le faisant. Il n'y a pas de riba par rapport à quelqu'un qui fait le péché en public. Quelqu'un qui fume devant tout le monde, c'est pas une riba de dire qu'il fume. Mais il faut pas que tu t'habitues à parler mal des gens d'une manière générale. Mais c'est pas une riba. Riba, c'est quelqu'un, on ne connaît pas de lui cette chose-là, même s'il l'a fait, il l'a fait en cachette. Donc tu dois le couvrir et ne pas propager ça de lui. Et dévoiler ses péchés. Ça c'est haram et c'est une riba. Comme bien même il fait cette chose que tu viens de dire. Ne pense pas que parce que c'est une vérité que tu as le droit de le dire. Riba, c'est très grave comme péché. Par contre, si tu l'accuses d'une chose qui n'est pas en lui, tu dis il fume alors qu'il fume pas. Ça, c'est plus grave que le riba. Ça s'appelle el buhtan. C'est un grave mensonge en plus de le riba, de la médisance. C'est pour ça que le Nabi, quand il a enseigné aux compagnons ce que c'est la médisance, il a dit de dire de ton frère, en son absence, ce qu'il déteste que tu dises de lui. Ils lui ont dit au messager d'Allah, si c'est vraiment en lui, est-ce que c'est aussi haram? Il a dit, si c'est en lui, c'est une riba. Et si c'est pas en lui, c'est un buhtan. Aussi namima. Namima, la calomnie. Colporter les paroles d'une personne à une autre avec une mauvaise intention. Tu vas voir le premier, il te dit, un tel, il est comme ça, comme ça. Ensuite, tu te rends chez le deuxième et tu lui dis, il m'a dit de toi ça. Et tout ce que tu as dit, c'est la vérité. Il l'a dit. Ton devoir, c'était de défendre ton frère quand le premier a parlé mal de lui. Et non pas d'aller chez le deuxième et lui rapporter ce qu'il a dit le premier. Ça, c'est une namima. C'est de défendre ton frère en face du premier qui a parlé de lui. Si tu l'as pas fait, alors au moins, ne parle pas. Au minimum. Donc, namima, c'est colporter les paroles d'une personne à une autre avec une mauvaise intention. Avec une mauvaise intention, c'est de créer la dissension et la division. Alors que dire de celui qui colporte des choses qui sont des mensonges, même pas des vérités? C'est encore plus grave. C'est encore plus grave. Et le péché de Namima devient plus grave selon les effets de cette Namima. Car des fois, tu peux faire une Namima, c'est la cause d'une dissension entre deux frères. Et des fois, ça peut être la cause d'une division entre tous les salafis d'une ville. Donc, bien évidemment, le péché n'est pas le même. Et Nammam qui a été menacé par Nabi Aïssa, la yadkhulul jannata qattat, il n'entrera pas au paradis, un Nammam, celui qui fait la calomnie. Il a cette grande menace. Un Nammam, il peut faire plus de mal que le sorcier, yani il peut faire plus de mal en un petit laps de temps, une heure, que le sorcier n'arrive pas à faire pendant un mois, comme ça a été rapporté de certains salafs. C'est pour ça, si tu es un homme intelligent et sage, quand quelqu'un vient te rapporter une chose de ton frère, dis-lui, si c'est pas toi, je l'aurais jamais su. Et sache que celui qui te rapporte les propos d'une personne, il prendra tes propos, il les rapportera à l'autre aussi. Et la certitude de cela. Comme il l'a fait avec le premier, il le fera avec toi. Donc ne prends pas en compte ce qu'il dit. Et garde ton bonne opinion de ton frère. Et même si Shaitan, il te travaille tellement, où tu peux pas fermer les yeux et passer cette affaire, va voir ton frère et dis-lui, on m'a rapporté ça et ça, et je sais que t'es pas comme ça, et demande-lui des explications. Et contente-toi de ce qu'il va te dire. S'il te dit, j'ai pas dit, ne cherche pas plus loin. Et accepte de lui ce qu'il t'a dit. Voilà mes frères pour aujourd'hui. Allahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته